Comment relever la tête, mes épaules plus assez larges. Y'a plus de basse au regard, moi j'en ai passé l'âge. Rap du premier de la classe, qui a connu la déchéance. En dépression, angoisse et une maladie sans échéance. J'en viens des flammes là où les rêves font vite, où les réveils sont gris, où les blesses réouvrent. À Aristide, j'ai touché le bas depuis j'écris des chansons tristes. C'est pour l'équipe collage à droite de la maison grise. Capacité non exploitée sur les bulletins scolaires. Bac en poche pour ma mère, dans les profs putain connard. J'exterme ma haine au mic, mes sauces la verdure. Quand tu perds 10 kilos, tu sais quelque chose te perturbe. C'est pour les miens, ceux que j'estime, c'est pour mes partenaires. Pas pour les timbres dont y'a tout que je veux pas retenir. Une épave, toi tu parles trop, les langues de pute ne sont pas faites pour l'auréole en enfer, on m'a offert les frais de port. J'suis un soleil, mais comme Icar, j'ai brûlé notre aile. J'ai été sale, mais t'inquiète, y'aura pas désolé. Car si le temps passe, toutes mes cicatrices restent. Mais au moins depuis mars, je sais que les réputes disent vrai. Si l'amour rend aveugle, c'est que j't'ai pas jeté qu'un œil, comme pour tous les autres. Donc j'ai que l'amitié n'était qu'un leurre. Il n'y a plus pour toi que j'serai gentiment, car aucun sentiment ne comblera le fait de m'être senti mort. À quelques souvenirs près de passer une drôle de vie, rares sont ceux qui t'aident quand tu dis que tu frôles le vide. De cas au mic, un mec normal parmi tant d'autres. 2011 ou la naissance d'un misanthrope.